Vous écoutez un balado du Théâtre pour pas être tout seul, en collaboration avec le Théâtre Premier Acte et CKRL. Pour une expérience optimale, nous vous suggérons le port d'un casque audio. Bonne écoute. J'ai où? J'ai tout mis dans le sac, tu t'appelleras dehors. Faut pas faire de bruit, l'autre il dort encore. Ah mais il est quelle heure? Faut qu'on parte maintenant. Tu t'appelleras dehors. Hey, ça fait 20 minutes qu'on marche, là. Je pense qu'on peut parler, là. On va réveiller personne. On doit avoir le temps d'arriver au garage avant qu'ils se rendent compte qu'on est plus là. Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait encore? Rien. Explique-moi maintenant que je rentre chez Gamache. Hey, c'est pas moi, c'est lui. Je le trosse pas. Faut pas faire confiance à ce genre de gars-là. C'est un quoi? C'est un Indien. Appelle les dons sauvages, t'as un café. Ben oui, c'est la même affaire. Mais non, tabarnak, t'es-tu sérieux? Et t'es-tu encore chaud? Hey, tu trouves pas ça louche, toi, qui nous aide demain? Je veux dire, on le connaît pas, ce gars-là, là. Il nous invite chez eux, on déplace 3-4 boîtes dans son sous-sol, puis là, il va nous payer des réparations à 450$. Voyons donc, toi. Allume. Mais c'est quoi le rapport que ce soit autochtone? Il est peut-être juste bien gentil. On va marcher jusqu'au garage, puis arriver, je vais nous organiser de quoi sans lui. OK, on va prendre le char, puis on continue le road trip, comme prévu. Ça n'a pas rapport, là. Ça juste pas rapport, là. Il est 3h30 du matin. On est au milieu de nulle part. Je suis fatigué. Je vais aller me coucher, là, quand on retourne chez Gamache. Hey, maudit que t'es cute, toi. Toi, tu fais confiance à n'importe qui fait semblant d'être gentil. Alors, regarde-moi. Moi. C'est David, ton meilleur ami, puis moi, je te dis que ce gars-là est dangereux. Moi, je t'aime. Lui, on le connaît pas. Regarde, je sais pas de quoi vous avez parlé ensemble dans la cuisine. Mais on a rien dit. T'es mauvais pour mentir, mon homme. Mais regarde, je m'en fous, dis-moi le pas, mais c'est certain qu'il te tournait autour. Non. Il te trouvait cute? Il te l'a dit? Non. Hey, je te connais par cœur. Il t'a dit que t'étais beau? Il t'a cruisé? Le calice, si je le savais. Sais-tu essayer sur toi? Non, c'est pas ça. Tu veux pas me le dire? C'est rien. OK, ah ouais, avance, là, si tu veux qu'on arrive au garage un jour. C'est rien, mais tu veux pas m'en parler. Regarde, c'est beau. Je te crois, c'est rien, là. Le gars, il est louche. Ah ouais, go, avance. T'as peur, faut que je pisse. OK. Ben, aide-moi. Hein? À cause de ma blessure, sans main. J'ai besoin d'aide? N'est-ce pas, puis viens m'aider avant que je me pisse dessus. Tu veux que je fasse quoi? Faut que tu te fasses un dessin. OK, tu m'en tiens. C'est pas ça que tu voulais? Oh ouais, c'est correct. J'irai pas à Québec. Quoi? Avec toi. À Québec, ça me tente pas, je vais me trouver un DEP au cégep d'Alma. OK, c'est beau, j'ai fini de pisser, tu peux lâcher. Hey, t'es qui, toi? Il est où, mon Joe? David. Toi, tu vas rester ici, tu vas te cacher puis mourir en région. Hey, énerve-toi pas. On est au mois d'août. On n'a même pas encore signé de bail, rien. Je suis même pas inscrit à l'UNI. OK, c'est des détails. OK, ça va se régler, rendu là-bas, je vais tout arranger ça. Arrête! OK, t'as juste peur de... De toi. Excuse-moi. Je veux dire, je veux pas aller à Québec. Je veux pas aller à l'Uni, là, c'est toi, c'est juste tout le temps toi, là. Je sais pas ce que tu veux. Je veux qu'on soit ensemble, Joe. OK, c'est le même qu'on est bien depuis qu'on se connaît. Ben, c'est ça qui me fait peur, là, moi, je sais pas. Moi, je le sais pour nous deux. Je rentre chez Gamache. Okay. Toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Hey, il va appeler sa mère. T'as tout le temps peur, hostie. T'es pas tanné d'être un pissou. Hey, ta gueule, je veux juste rentrer chez toi. T'as juste peur de ce que t'es. OK, bye, David, le bon Québec. T'es gay, Joe. Non. T'es gay. Dis-le. T'es toujours là à me regarder avec tes yeux infinis, à vouloir qu'on habite ensemble. Non, ça, Joe, c'est quoi, David? Joe, t'es gay. Dis-le que t'es gay. tu vas être mieux. Moi, j'attends juste ça. Et tu vas attendre longtemps parce que je suis pas gay. C'est pas de moi que t'as peur, c'est de toi. Ok, viens ici, le pierre de faire semblant. Approche pas, David. Dis-lui que je t'attire. Assume, calice. Moi, je m'en fous, là. T'es beau, mais t'es pas le bout du monde non plus, là. Ok, je veux que t'assumes. Embrasse-moi. T'as le goût, embrasse-moi. Recule! Je fais ça pour toi, mon Joe. Lâche-moi, mais non, je t'en crisse une. Hey, tu vas être bien, fais-moi confiance. Ok, dégage, dégage! Je veux juste t'aider, Joe. Moi, je sais pas. Gaga, je sais pas comment te le dire autrement, là. Je le sais pas. Ok, recule, mon sale. Dis-le que tu me trouves beau. T'es beau? T'es-tu content? Mais recule. Embrasse-moi. T'as-tu mal? Je suis la première personne que tu frappes? Oui. Ok, fait que je suis en premier. T'es pas pire pantoute. Je t'avais averti. Puis là, tu t'es défoulé? Va-t'en à Québec. Viens avec moi. Non. Hey, tu comprends pas, là. Je te veux pas. C'est-tu clair? C'est trop. T'es trop. Je rentre chez Gamache. Tu viens de me toucher la queue! Hey, tu m'as demandé de t'aider, là. Je t'ai juste aidé. Tu peux pas renier t'es qui. Moi, je sais t'es qui. Oh, reviens, arrête de niaiser, je le sais que tu partiras pas! Vous venez d'entendre le troisième épisode du balado Haut du Lac de Vincent Nolin-Bouchard. Avec Samuel Corbeil, Marco Poulain et Vincent Nolin-Bouchard. À la réalisation, Lucie M. Constantino, une musique originale de Sarah-Anne Arsenault et Dylan Hatcher. Au montage sonore, Yves Dubois. Merci à la Caisse des Jardins de Québec, à Première Ovation ainsi qu'à Hydro-Québec.